génération. Hip Hop Soul Radio. Yeah. Dawa ou Mike Ray. 9394. C'est là où je crèche, c'est là où je traîne. Comment ça ils disent tous Ray? Qui je suis mon fermé, Villeneuve Saint-Georges, Créteil, Champigny, on fait les bails, on fait les jazz, les fous, on les baise. Génération live, on est là, Ray. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Oui, toi t'as pris ton pistolet parce qu'il insultait tes parents. Mais qui t'a dit de rigoler? Oui, j'ai souri, mais c'est pas marrant. La rue nous a rendu paro, comme un frère derrière les barreaux. Faut mieux se tenir à qu'un rôle, je leur ai fait du sale, mais c'était carré. Wesh, enfoiré, t'étais où? Moi j'ai toujours été là. T'es pas venu quand y'avait embrouille. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fous là? Y'a-t-il un manque à gagner? La rue c'est les bons calculs. Ils ont regretté d'avoir signé. Oui, moi je suis resté dans ma bulle. Me dis pas d'Awa, t'abuses. J'ai fait des sous dans la boue. Voilà pourquoi moi j'en abuse. Ma force n'est pas chez le marabout. Allez viens on boit un coup. Elle est bonne que pour un coup. Voilà pourquoi moi j'en abuse. Ma force n'est pas chez le marabout. Hey. Dawa ou Mike Ray. 9394, c'est pas fini. Génération live. Clichy Montfermeil, Villeneuve Saint-Georges, Créteil. Toutes les provinces, Blois, Couze, Aulnay-sous. Hey. Tous les frères partis et enfermés. Dawa ou Mike Ray. Foy. T'as tiré sur qui? T'as tiré sur quoi? T'as bougé pour qui? T'as bougé pour quoi? T'étais sûr de lui? J'étais sûr de moi. T'as capté le truc? T'inquiète, on y va. J'ai pas craché, j'ai pas fini. Mais qui t'a dit que j'étais déjà fini? Plaque, qu'on s'aguerrit. J'ai pas atterri, atterri, ce qui est péril. Toi, tu vas périr. Mais qui t'a dit que j'étais écœuré? Je t'ai pas cru quand je t'ai vu pleurer. Faut pas pleurer, larmes de crocodile. J'aime pas les lundis, même pour un deal. C'est la reprise. Ouais, j'en dis quoi? Je la monte en l'air avec volontiers. Pas de pitié, toujours entier. Tu sers à rien, tant qu'on manie le tien. Communauté, département. 9394, c'est le département. Oui, j'aimerais t'en leur parler gentiment. Mais ces bâtards veulent me prendre par les sentiments. Dawa ou Mike Ray, 9394, Ivry sur scène, studio 11. T'as capté ou pas? On est ensemble, on fait les bails, on fait les jazz. Et les fous, on les baise. Dieu. Round 3, fight! Poil dans la tête, négro fait bellec. Y'a pas tête à tête, la rue ton cul direct. Salam alaikum, c'est la récidive. Tu connais le récit. Si tu savais ce que j'avais dans la tête, t'aurais pas fait l'imbécile. J'fais pas la lessive, j'lave mon linge en famille. T'as fait ton fou, tu t'excuses après ça, c'est pas la folie. Va te faire enculer, faut assumer. Ils sont pas crédibles comme un fumeur de doré qui s'est pas roulé. Ils vont tous couler, ils m'ont te saoulé. Va faire un coulant, j'encule à sec au culot, il veut reculer. Pas les coups de la place, de la baise à la base, nous on les baise. C'est pas eux qui paient le loyer, c'est pas eux qui mettent le fils à l'aise. À peine réveillé, elle veut sa levrette. Faut pas les lever, il me faut délever, le tour en vitesse. Ok l'ami, tu connais la magie, j'ai commencé, c'est fini. Ok l'ami, tu connais la magie, y'a pas de fixe en fini. Cartel Records.